Faut-il engueuler les copines quand elles déconnent, selon nous? Dans la vie, j'ai plusieurs sphères. Boulot, famille, amour, enfin... et amis. Tout ça n'est pas imperméable, bien entendu. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la sphère amicale. En fait, quand un ou une amie déconne, faut-il l'engueuler ou pas? Début janvier, après une rupture pas bien violente, mais qui fait quand même un peu chier, j'ai la bonne idée d'aller me consoler dans les bras d'un ancien amant. Arrivé 23h30, départ de chez lui, minuit 30. Non, parce que monsieur m'a gentiment indiqué qu'il avait encore du boulot, et si je voulais bien partir... Je raconte ça à Lucie qui s'énerve. Je te préviens que si tu le revois celui-là, tu vas avoir affaire à moi. Gloups. Ce qui est bien, c'est que si ma conscience me lâche à la perspective d'une brouette, la perspective de me prendre en tir par Lucie me calme instantanément. Non, parce que Lucie, c'est une amie du genre « Putain, mais t'as fini tes conneries, oui !» Dans le genre, ce point de plus, on fait difficilement mieux. Mais ce n'est pas toujours facile de jouer la méchante copie. Ben oui, c'est plus facile de toujours acquiescer, genre « Je suis ton amie que tu adores parce que je te contredis jamais !» Sauf que quand on est amis, on n'est pas censé dire à ceux qu'on considère comme tels qu'ils déconnent quand ils le font. C'est pas évident comme question. Par exemple, j'ai une amie qui sort avec un type pas toujours très correct avec elle. Il y a des fois, il me fout bien les boules quand même et je me prive pas pour le faire remarquer à la copine. C'était pareil avec Zoé à l'époque, des fois, je m'énervais un peu. Mais tu bloques ta vie pour lui des fois qu'il t'appelle à 23h parce qu'il a envie de te voir. Tu sors plus, tu vois plus personne, tout ça pour même pas le voir. Donc, en tant qu'ami, mon rôle est de souligner que certaines situations ne sont pas normales quand même. Mais, oui, il y a un mais. Non, parce que je suis quand même pas leur mère à ces demoiselles, donc une fois j'ai souligné la connardise de ces messieurs, et que j'ai fait mon laïus, mais te laisse pas traiter comme ça, impose-toi, ben, il n'est pas décent d'insister, enfin je crois. Parce que leur vie, c'est pas la mienne, et même si j'ai pas envie de les voir malheureuses à cause de monsieur connard, je vais pas non plus camper chez elles pour vérifier qu'elles ne le voient pas quand même. Parce que je suis pas leur mère, comme je disais. Et puis qui suis-je pour décider si tel mec est bien ou pas? Même quand il prouve sa connardise de façon flagrante parfois. Mais j'ai exposé mon avis et point. Je les appelle pas toute la nuit pour vérifier qu'elles sont seules parce que la nuit je dors d'abord. Puis je suis censée être amie, pas taulière. Après tout, moi aussi je suis des connards, je suis pas forcément la mieux placée pour faire la leçon. Et même quand mes copines viennent pleurer sur mon épaule, j'évite le glacial. Bah je te l'avais bien dit. Bien sec, genre, bah c'est ta faute, t'avais qu'à arrêter quand je l'ai dit. Non, je ne suis pas une vraie méchante copine, parce que j'aimerais me planter quand je dis c'est un connard qui te fera souffrir. J'aime mieux quand mes copines sont heureuses, parce que le bonheur c'est toujours un peu contagieux. Et puis j'aime bien qu'on me montre que, non regarde les mecs bien, c'est pas un mythe, je sors avec l'un d'entre eux. Bon, je dis ça, mais j'en ai eu des biens aussi, hein. Non, parce que faut pas croire que j'essaie de démontrer à mes copines que leurs mecs sont des enfoirés parce que je suis jalouse d'aise. C'est pas ça du tout. Donc voilà, ma copine en ce moment, je lui ai dit 150 fois que « Il te respecte pas, on va le chier !» Elle a reconnu que des fois, il avait été en dessous de tout. Mais maintenant, si elle retourne dans ses bras, suis-je censée lui faire la gueule, l'engueuler comme du poisson pourri, lui rappeler pourquoi c'est un connard? Ou alors me taire, juste signaler que je n'approuve pas et attendre de voir. Après tout, peut-être qu'il se rattrapera. Sinon, on fera une soirée Kleenex, c'est pas mes préférés, mais l'amitié, c'est pas que quand tout va bien. Bref, copine, tu fais ce que tu veux. Mais notre contrat court toujours, hein. Wouah. Je ne t'engueulerai pas. Parce que je ne suis pas ta mère, quoi, et j'aime pas engueuler les gens. J'ai suffisamment à faire avec Kenya.